Chante begin, moi chante veillé, moi chante Ruka. Aïe ti bili bili bili bili bili bili bili, aïe maman. Aïe ti bili bili bili bili bili bili bili, aïe papa. Aïe maman, moi Esquati li was la. Esquati begin la. Esquati tumbla la. Esquati mele la. Esquati dani la. Esquati Ruka la. Esquati begin la. Moi chante créole, moi chante dami, moi chante Ruka. Moi chante salsa, moi chante cadence, moi chante soukous. Moi chante mende, moi chante gage, la chante Bernardin. Moi chante begin, moi chante veillé, moi chante Ruka. Aïe ti bili bili bili bili bili bili bili, aïe maman. Aïe ti bili bili bili bili, aïe papa. Mes amis, mes nouvelles pour nous, la voix de l'eau qui tombe en péril. De tout temps ça qui a passé, de tout temps ça qui a arrivé. A pas parce qu'elle soit dans le pays, nous avons point d'autres vies qui a gagné. Si vous êtes malade ou m'en délion, c'est parce qu'elle vraiment qui te soit. Vous êtes vous êtes en gagné, mes amis. Voici. Ça y en France comme on t'en voit de l'eau, sa voix de l'eau qui a descendu en France. Sa natal va ni opposition, tout le monde là yo les vangé. Yo ka monte yo me descendre, on voit vous jouer qui t'a vu. Yo j'a monte oui yo j'a fini, yo ka mandi la liberté. Mesdames et messieurs, ça va y aller la voiture. À suivre.